takes away your screams, and the shadows fall away, and the hollow dream stands down. Away I take a walk on a road of solitude. Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blogblog.com. Saint-Élie.com. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, récupérer mes notes audio. Chaque note audio est associée à une note écrite, parfois minimaliste, mais qui contient au moins la liste des adresses web en lien avec ce que je raconte. Si vous avez des choses à dire ou des réactions, comme je suis abonné à la DSL chez Free et que Free m'envoie le contenu de mon répondeur téléphonique par mail sous forme de petits fichiers audio, vous pouvez appeler la journée au 08 70 73 20 28 en expliquant à mon répondeur d'une voix suave et lascive ce que vous avez à dire. Aujourd'hui va être beaucoup plus légère que la dernière où j'avais parlé de ce que j'avais ressenti devant ce déferlement d'émotions à propos du tsunami. Là, je vais vous parler d'Arte. Arte qui est surtout connu pour sa télé, mais qui fait en matière de son des choses vraiment super dans l'indifférence générale. Et il y a un petit peu de nouveau de ce côté-là. Et puis, un de mes dadas, c'est l'industrie musicale, qui vient de prendre une décision encore plus stupide que les précédentes, et Dieu sait que c'était pas gagné, c'était un sacré challenge, et là ils y sont arrivés. Côté musical, aujourd'hui, on va se faire quelques énervés pour compenser un peu la légèreté de ma note. En ouverture, c'était des Canadiens, Channel One, des Canadiens qui ont dû beaucoup écouter Stand. Le morceau s'appelle Where You Belong. Donc on va commencer avec Arte, et plus exactement Arte Radio. Arte, tout le monde connaît, c'est la télé qui fonctionne en deux modes. Quand c'est bien, c'est souvent génial, et quand c'est chiant, c'est fréquemment chiantissime. Eh ben Arte, ils ne font pas que de la télé, ils font aussi du son. Alors, je dis du son parce que, contrairement à ce que le nom indique, Arte Radio, c'est pas vraiment de la radio au sens habituel du terme. Ils enregistrent des sons qu'ils diffusent sur Internet depuis un serveur web. L'adresse est www.arteradio.com. Vous la trouverez de toute façon dans la liste des liens qui accompagnent cette note audio. Alors il y a de tout sur le site d'Arte Radio, c'est une espèce d'auberge espagnole. où on trouve des trucs branchouilles, vaguement intello, d'un intérêt discutable, et puis d'autres trucs vraiment top. À côté de morceaux de son qui relèvent plutôt de l'expérimental ou de l'artistique, on trouve également des chroniques. En ce moment, il y a une chronique qui est tenue alternativement par Martin Vinclair et Mona Chollet. Mona Chollet, c'est une nana qui fait des trucs très intéressants sur un site qui s'appelle périphérie au pluriel .net. Et Martin Vinclair, pour la petite histoire, c'est un toubi qui s'est fait virer de Radio France l'année dernière. Il tenait sur Radio France une tribune assez variée où il parlait de médecine, d'industrie pharmaceutique, de logiciels libres et des choses de ce genre-là. Et puis il s'est produit un phénomène surnaturel à un moment donné. Certaines de ses rubriques critiquaient assez sévèrement l'industrie pharmaceutique. Et sans qu'il n'y ait vraiment aucun lien, d'un seul coup comme ça, tac, Vinclair s'est fait virer de Radio France. Comme quoi des fois il y a des hasards un petit peu curieux. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, le retrouver comme ça sur Arte Radio, c'est plutôt bien. C'est un joli moyen de revenir. Puis ça fait un beau pied de nez à Radio France en plus. C'était assez nul cette histoire de Vinclair pour tout dire. Les gens d'Arte Radio, ils n'ont pas que des qualités, ils sont extrêmement énervants. Parce que non seulement ce qu'ils font en son c'est bien, mais même leur site est top. Il a un design que je trouve formidable, très coloré, très dynamique, extrêmement bordélique. Tellement bordélique que la première fois quand on arrive, on se demande un peu comment ça marche. Par où on rentre, comment on circule, comment on s'y retrouve, jusqu'à ce qu'on réalise qu'au fond, il n'y a pas de mode d'emploi. Ce site, c'est un espèce de hangar où sont stockés, plus ou moins pêle-mêle, des sons qui n'ont rien à voir entre eux. Et alors on se balade, comme ça, dans ces espèces de rayons virtuels, et puis on récupère ce qui nous intéresse. Ce qui justifie que je parle d'eux aujourd'hui, mais c'est vraiment un prétexte, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment bien, c'est que Arte Radio a rajouté une corde à son arc en matière de diffusion. Jusque-là, il diffusait soit en streaming, au format Reel, cliquez sur un bouton et le son démarre immédiatement, vous écoutez ça sur votre ordinateur, soit en MP3, et là, c'est classique, on télécharge le fichier, puis après on en fait ce qu'on veut. Et à ces deux modes de diffusion, ils ont rajouté le format podcast, c'est ce que j'utilise moi sur mon weblog également. Le podcast, c'est un truc tout bête, c'est des fichiers MP3, tout ce qu'il y a de standard, mais au niveau du site web, on rajoute une petite balise qui fait que certains logiciels capables de la reconnaître téléchargent directement le fichier sans qu'il y ait à faire quoi que ce soit. L'idée en arrière-plan, c'est que dans un futur proche, vous lancerez votre logiciel dans lequel vous avez au préalable enregistré les adresses des sites audio qui vous intéressent. Le logiciel télécharge tout seul les fichiers, les fait passer à l'autre logiciel avec lequel vous gérez votre musique et votre baladeur, iTunes par exemple, et lorsque vous faites la synchro de votre baladeur, bah, automatiquement les fichiers arrivent dessus. En gros, le fichier arrive automatiquement du serveur web jusqu'à votre ordinateur, puis automatiquement de l'ordinateur au baladeur. Le podcast, en fait, c'est un vrai truc de feignant, c'est pour ça que j'adore ça. La morale de cette histoire avec Arte Radio, donc, c'est que plutôt que de bourrer votre baladeur avec les chansons de la Starac, il y a deux choses à faire avec. La première, elle est obligatoire, c'est de mettre mes notes dedans. Et la seconde, c'est de remplir l'espace qui reste avec les sons de chez Arte Radio. Et là, vous allez voir, je vous le promets, vos trajets en métro, ils vont prendre une autre gueule. Avant d'attaquer une petite news sur l'industrie du disque, un autre groupe d'énervés, ceux-là du New Jersey, il s'appelle Downstage et le morceau s'appelle Set on the Sun. Sky's the deepest I could ever go. I'm not impressed by who you know. And this demon doesn't change excuses that I've made. Cause I'm set on the sun. All the daylight makes me run. And I'm set on the sun. Is that what I become? Tried. Isn't it good to be alive? Demon, I feel it lost inside, behind the door, all that you tried. Well, isn't it good still be alive? Nothing to learn when trying to hide. Show me your face, trust what's inside. Behind the door, all that you tried. Well, isn't it good still be alive? On continue avec une actualité qui est liée à l'industrie de la musique. Alors c'est un peu un de mes dadas de taper sur l'industrie de la musique, mais je les trouve tellement ridicules que parfois les bras m'en tombent. Et là, cette fois-ci, ils ont poussé le bouchon un cran plus loin. Ce mois-ci, donc, la Chambre syndicale de l'édition musicale a lancé une campagne contre les sites qui diffusent des paroles de chansons. Et ils ont publié pour ça un communiqué de presse qui est daté du 19 janvier, où ils expliquent qu'ils ont lancé un certain nombre d'actions contre des sites comme Parole.net, Bestofparole.com ou La Coccinelle, qui sont des sites dont le crime, et là je crois que le terme n'est pas trop fort, c'est vraiment un crime, c'est de publier des paroles de chansons. C'est vrai que c'est très nouveau, et puis c'est anormal que des gens veuillent lire les paroles des chansons qu'ils aiment bien. Moi j'avais découvert ça un petit peu par hasard. Un jour où je publiais une note sur un truc qui m'avait fait marrer, c'est France Télécom a lancé une campagne corporate avec comme fond sonore une chanson de Placebo qui est Pure Morning. J'aime bien Placebo et en plus cette chanson est très très sympa, mais là une particularité c'est qu'elle est hyper trash. Et je suis à peu près certain que personne chez France Télécom ne parle anglais ou personne n'a réalisé ce qu'ils étaient en train d'utiliser comme bande-son pour leur pub. Sans ça ils auraient tous fait des crises cardiaques. Et pour ma note écrite là-dessus, j'avais fait un petit truc léger. J'ai voulu retranscrire les paroles de la chanson en les traduisant, et puis je suis un peu flemmard, je me suis dit que sans doute quelqu'un l'avait déjà fait, donc c'était un peu idiot que je me casse la tête à le faire. J'ai fait un petit coup de Google, et je suis tombé sur le site Coccinelle, qui effectivement avait ces paroles de chansons traduites. Ça prouve que ces sites, ils ont une vraie utilité. En plus, je vois pas trop en quoi ils spolient de quelque façon que ce soit les chanteurs. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et bien, c'est pas ce que pense la chambre syndicale de l'édition musicale, qui donc est en train d'engager des procédures contre ces sites-là, qui doivent en plus faire un pognon monstrueux en diffusant des paroles de chansons. Ça, j'imagine que c'est un business délirant, les gens de la Coccinelle doivent tous rouler sur l'or. Mais bon, je sais pas, la prochaine fois, je pense que je sais pas, ils vont finir par taxer le fait de siffloter dans la rue, parce que moi, je l'avoue, hein, j'ai dû indûment emprunter des airs de musique en sifflotant dans la rue. J'ai jamais payé quand je sifflotais. Il m'arrive même de siffloter dans ma salle de bain. Faudra que je fasse gaffe à ça, hein, parce que ça, c'est vrai que c'est pas honnête. Hein. Il y a des gens qui touchent pas leur pognon. Bon, bref, tout ça, c'est vraiment d'un ridicule achevé. Surtout lorsque l'on voit ce qui est diffusé actuellement comme musique. Vous pouvez mettre absolument n'importe quelle chaîne de télé musicale ou n'importe quelle radio où vous entendez rigoureusement la même chose. Et où je trouve par ailleurs les porte-parole de cette industrie musicale soit gonflés, soit incompétents, soit inconscients, soit cyniques. Je lisais récemment dans Libération un portrait extrêmement flatteur de Pascal Nègre, le gars qui a écrit ça, ce qui est pourtant un journaliste bien, qui fait des trucs très très bien, c'est Luc Vaillant. Il a dû se faire inonder de CD, ou je sais pas, où il devait être à moitié endormi le jour où il a fait ça. Dresse un portrait donc de Pascal Nègre tout à fait flatteur, et ce pauvre Pascal Nègre explique que c'est une catastrophe parce qu'il a perdu 30% de son chiffre. Ben moi je trouve que c'est pas beaucoup 30%, parce que la distribution musicale, l'industrie du disque, pas la création, mais l'industrie du disque, elle vit un véritable bouleversement, un changement de paradigme comme on dit pour faire bien dans les dîners en ville. Et je connais pas beaucoup d'industries qui ont eu à faire face à des bouleversements majeurs en sortant vivante. Lui, il s'en sort avec 30% en moins. Il devrait plutôt être content de ça, parce qu'il est toujours là jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est la fin, enfin pour aujourd'hui. On va se quitter avec Plank 63, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, qui joue Patchwork. Allez, ciao.